Banque commerciale congolaise, Obengi BCC, les amis banques et Nabiso. Yo entrepreneur, commerçant, paix, artisan, yo salarié. Bon, la opération, yo sont bon sali à BCC, Azali à disposition, Nabiso. Fumons la compte de banque pour l'économie, Nayo, et pour lui qui s'aille, Nadamo, Kokele, Nayo. Compte d'épargne économique pour l'avenir, la banane, yo, paix, famille, mobi, bae. La dirigeant y a BCC, basalam, piko, pour la bobo, y a banque commerciale congolaise. Tambo, la kumba, chèque, na yo, la poignon, c'est un combo, au combo, la BCC. Banque commerciale congolaise, Tobengi BCC, les amis, banque, na biso. Yo entrepreneur, commerçant, paix, artisan, yo salarié. Pour l'opération, yo sont mon sali à BCC, Azali à disposition à Bissot. Fumons la compte de banque pour l'économie na yo, et Kobi qui s'en attend mon coquet. Compte de banque économique pour l'avenir à Banana yo, paix, mes familles vont m'y baer. BCC, Bassalam Bigoé, pour la bonne banque commerciale congolaise. Tabo la Kumba chez Renayon, la moyenne c'est un combo, au combo la BCC. Batana Brazzaville, agence AEB. Pointe Noire, agence AEB. Loubombo, Kaina, Weso. Oh, Ando Monsezo, Kombo Mobima. BCC, Azali, la correspondante, mon kiri Mobima. Fumola compte na yo, na BCC. Tatana Brazzaville, agence AEB. Pointe Noire, agence AEB. Loubombo, Kaina, Weso. Oh, Ando Monsezo, Kombo Mobima. BCC, Azali, la correspondante, mon kiri Mobima. Fumola compte na yo, na BCC. Na BCC make a combo, na combo ma pongo na kai. Na BCC make a combo, na combo ma pongo na kai. Na BCC make a combo, na combo ma pongo na kai. Na BCC make a combo, mama. Na combo ma pongo na kai. Na BCC make a combo. Ba musicien na son instrument. Na BCC make a combo. La commerçant n'a salab à faire. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. La Moloni Milanga n'a joie crédit. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. Gatison, gatison. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. On a joie crédit n'a ton gandako. La BCC. Musicien à son instrument. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. La commerçant à salab à faire. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. La Moloni Bilanga n'a joie crédit. La BCC va qui a combo. La combo va pour la caille. La BCC va qui a combo. La homme d'affaire, la homme d'affaire. La BCC. Chéri, mama, mango, na yo, na BCC, mama. La BCC, va qui a combo. La combo, va combo, la caille. La BCC, va qui a combo. Chéri, mama, économie, la banque, BCC. La BCC, va qui a combo. La combo, va combo, la caille. La BCC, va qui a combo. Kaka, na BCC, na ko, bamba, mango. La BCC, va qui a combo. La combo, va combo, la caille. La BCC, va qui a combo. Una, ma compte, nyo, se. Crédit n'a ton mandat, la BCC va qui a combo. La combo va pour la caille, la BCC va qui a combo. La musicienne a son babe extrêmement. La baisse c'est pas qui a combo. La combo pas combo la gai. La baisse c'est pas qui a combo. La commerçant à ça la bas ferré. La baisse c'est pas qui a combo. La combo pas combo la gai. La baisse c'est pas qui a combo. La moloni bilanga et n'a soit crédit. La baisse c'est pas qui a combo. Son a sala va a ferrer.